jeni yo botani bakelio papesi yo ya yo motema ogobe bisa usa teme keba na loterio ndoto mabia kala yangaga bosana jeni yeye komi komeba naligi yo bigi kokoko Ikabonyo se kosu akayo bosa Ele kika mingi kokoko Batu mingi jeni Batu niona nako Kosa kaokei Kope mipaya mama na kumi kolemba Zonga zonga nako eko miya satara Koliko bana basa liko yoka yomposa Waluki yo mingi kokoko Oseisa, kede kibangu Batu mingi jeni, batu niona nako Nako saka okei, kope mipaya mama na komi koneba Zonga zonga nako eko miya satara Olingo bana basa liko yoka yomosa Baduki yo mingi ngokoko Jeni foto na mazaka na ya Nyoso la ngangare Nasina kanisi mingi Mama tomese ni mingi Napazi oko soka Mama meka kakoli misali Kamboli emoto Na mote maya mbali toke seni Senga katoli jeni Napaye basala mingi Toli ezali nganga Jeni foto la mazaka mayo Nyoso la ngangae Kasina kanisi mingi Mama tomese ni mingi Nabazi yoko soka Mama meka kakoli misali Kameli emoto Na mote maya mbali toke useni Senga katoli jeni Napaye basala mingi Toli ezali nganga sonoro. Tinga, tinga, tinga sonoro. Tinga, tinga, tinga sonoro. Pasia Bolingo, Banza Beranga, Wapi Bodeko, miso babandi koi nanga sokira tali eraba ya pembe ya mia aya na koma kubanga kotika kolinga kosa mera kanga mingi na ndakoho kola tisa kasoni ya shapera kanga mumalo bana leti mkobika Zeisse, un chanteur de Bouvoiré. Chirac, Gabi. Osa la la passia, ya soki la koufi. Loko la la salina, y nous kore la te. Na ebi bako sa buisa yo aria. Si tomo balinho só sou de passear aqui é Papa la mora cateca na casa e motema Nenia cococa e a tamora coa Uga! Uga! Asma! Boas! Ali a mama só filica mo Bombara mo temara mo pepa mabe Pomisipa Mote maranga nyoso na pesa na yo Poli moranga ezali na zubete nile kozo kisaba mbora mitoma Zua eto ni mokili eti nilikunya Sheli ya ria Aria mama sokili kambo Gombara mote mara mote pamabe Komisipa Mote maranga nyoso na pesa na yo Kolingo nanga ezali na zubete ninyo Kozo kisaba mbora mitema Zua eto ni mokili eti nilikunya Sheli ya ria Uma! Uma smera! Oh, confiance! Confiance, Zeisse! Le tema me papese. Oh, je suis prêt. Tu dis pas sur le nom. confiance en ce. Confiance pour le peuple. Ria, ria, ria, ria, ria, Zosimo. Et en douleur des grands Zosimo, à chanter des pouvoirs. Les coqs chantent à qui les mines en beauté. Talepe, Talasi, Talepe, Batouba, Touba, Touba, et après c'est ça. Oh Gisèle, Gisèle, Gisèle. Ça c'est du bon vent. Oui, c'est du jambon en fromage. Où t'as menté? Tchakoula, oui. Aïe, la soupe. Salami l'homme là yo. Au volant, au volant, au volant, ma cama bicolo. Au volant, au volant, au volant, ma cama bicolo. Au volant, au volant, au volant, ma cama bicolo. Au guidon, au guidon, au guidon, bicolo, bicolo. Au guidon, au guidon, au guidon, bicolo. Isa, Isa, voilà. En chantant de vos voix, et sous Kamoto, Sami Sasso. Les potes chantent à Tinelli en beauté. Isabella, en dehors de la porte noire, le coq chante. Volant, volant, volant, volant, volant, volant, volant, volant, volant, volant, volant, volant, volant, volant, volant, volant, volant, volant, volant, volant, volant, volant, volant, volant, volant. Oh, I can't believe it. I'm living the dark.